aux exercices physiques. L'amour est une chose bien trop tragique pour la laisser aux exercices physiques. L'amour est une chose bien trop tragique pour la laisser aux exercices. Laisser aux exercices.